forces ennemies, deuxième partie, chapitre 6, deuxième partie. Avec l'extraordinaire versatilité des malades, je me réveille le jour suivant, dispos, heureux, plein d'une joyeuse énergie. La crise de Bidôme et le retour de Khmoroun sont devenus pour moi des événements providentiels qui m'ont dicté la conduite à suivre. Je dois fuir vite et vite ce séjour du désespoir et de la peur, et me mettre à la recherche d'Irène qui personnifie la lumière, le bonheur, la joie de vivre. Je me moque un peu du politicien Le Tellier. On peut trembler devant un fou comme Bidôme qui a quelque chose d'infernal, qui est une sorte de Khmoroun exagéré, mais craindre un futur marchand d'amendement, un pleutre qui se fait accompagner par deux diaphoirus pour affronter un vieux brave garçon comme le père Frouin, quand il est si simple de grimper sur un toit, de se couler par une large cheminée comme il y en a ici, et de tomber sur son ennemi sans qu'un seul gardien se soit douté de ce qui allait se passer. Craindre un Le Tellier ? Ah non, par exemple. Je vais m'évader, bien tranquillement, ce soir, entre chien et loup, et en demandant le cordon au concierge encore. Mais quel singulier regret me tenaille tout à coup le cœur, mon cœur qui ne veut aimer qu'Irène. Je m'aperçois que j'éprouve une sorte d'affection grotesque et assez profonde, de quelle nature ce serait sans doute difficile à expliquer. Elle contient des éléments malpropres et d'autres presque tendres. Tendre, oui, jusqu'à un certain point. Une affection réelle pour Madame Robinet. Ce sentiment provient, sans doute, du véritable courage déployé depuis quelque temps par cette extraordinaire bonne femme qui a été prise d'une inexcusable toccade pour ma vilaine personne ridicule et mal bâtie. Elle a beau redouter comme des tarasques les ogres Barouge et le Lancier, ressentir un effroi qui lui donne un teint gris cendré dès que l'un de ces tyrans siracusains élève la voix, même assez loin d'elle, s'épouvanter à la seule idée d'enfreindre un de leurs ordres au point d'être obligée de s'asseoir n'importe où, n'importe sur quoi, par terre au besoin, lorsqu'elle se voit en défaut, elle a tout bravé pour me prouver sa très blâmable passion. Ça a été plus fort qu'elle. Aux heures les plus mal choisies, à certains moments où il était dangereux de se trouver dans mes parages, les deux mauvais diables rôdant aux environs, elle est arrivée dans ma chambre, suante des mois, n'ayant ordinairement que peu de minutes à elle, a découvert les prétextes les plus confondants et les plus ingénieux pour éloigner mes gardiens, j'en ai deux à présent, Léonard et François, et m'a bombardé de folles déclarations d'amour, suivies d'effets, car si je souffre de n'être pas toute à l'adorée Irène, je ne suis pas dure. Et j'admire les héroïnes de cette espèce, même quand elles ont un commencement de bajoux. De plus, son émotion, sa faiblesse momentanée, sa pâleur, son besoin de protection, dirais-je presque sa voix adoucie, comme suavisée par la peur, lui rendait cette sorte de grâce juvénile, tout à coup renaissante, que les femmes, vraiment femmes, ne perdent complètement que très tard. Puis elle n'est pas si vieille, Madame Robinet, à Rissi. Khmoroun l'a calomniée en lui appliquant l'épithète de vénérable. Elle n'est pas vieille du tout, à peine mûre. Je ne veux pas savoir son âge. Et quand je le saurai, la belle affaire. Là, j'ai une convention. Bien des jeunes femmes de 45 ans auraient mille choses à lui envier. C'est une brune, une belle brune, bon teint. On ne rencontre pas tous les jours d'aussi beaux yeux bleus, sombres et étincelants, une peau blanche aussi fine et satinée, des rondeurs aussi délectables. Elle est un peu forte, Aricy, très très dodue, mais ferme de chair, admirablement ferme, bien plus que Mademoiselle Bouffard. Elle a conservé de belles lignes puissantes, de robustes modelés, qui enthousiasmeraient des gens beaucoup plus jeunes que moi, et d'autres plus vieux et encore plus expérimentés. Et s'il n'y a au monde qu'une carnation vraiment splendide, celle rose et brune d'Irène, j'admets la blancheur comme un élément de beauté inférieure, la blancheur chaude, j'entends, relevée de noir luisant et de rose sombre, lilacée. Oublierai-je qu'il y a de radieuses blondes? Non, mais... Aricy est délicatement soigneuse de sa personne, qu'elle sait livrer toute en un espace de temps incroyablement court. Pas de demi-mesure avec elle, pas d'étoffe gênante. Et c'est tout juste si l'on craint les surprises auprès d'une femme qui se dévêt et se revêt aussi prestement. C'est prodigieux, un vrai talent et rare. Et je parie qu'en cas de danger, elle saurait disparaître lestement. Se faire une cachette du premier coin venu, en dépit de ses dimensions très raisonnables au bout du compte. Admettons que cette belle ardeur ne se soit pas allumée au début, en les plus purs foyers amoureux. Quand je l'ai, pour la première fois, intéressée, elle m'a vue sous un jour trop avantageux pour que je l'accuse d'avoir jamais passé par la période de la passion platonique. Mais aussi, quelle femme aurait jamais pu s'éprendre de moi pour des motifs sentimentaux? C'eût été de l'aberration. Je ne conçois pas une Elvire soupirant chastement devant tel pavillon du Jardin des Plantes, où quelques-uns de mes pareils déploient leur grâce trop agile, et encore ceux-là en quatre mains, ce qui serait une excuse au besoin. En tout cas, elle n'a jamais voulu m'en imposer, se faire prendre pour une rêveuse idéaliste. Elle aurait eu honte d'une pareille imposture. Cela l'eût diminuée à ses propres yeux. Le jour où mes gardiens, habitués à ses petites visites et confiant, non sans quelque raison, en sa vigueur réelle, lui demandèrent de bien vouloir veiller sur moi pendant une heure, le temps d'aller présenter leurs hommages à deux de leurs cousines arrivées par la voiture de Dieppe, nous eûmes le loisir de causer un peu, elle et moi, entre deux effusions qui me la montrèrent, comme de coutume, non dépourvues d'une certaine poésie spéciale. Barouge et le lancier s'occupaient d'une de leurs stupides mais bienheureuses enquêtes. On avait volé un bandage hernière dans le quartier des femmes, toujours dans le quartier des femmes, et quatre gardiennes sur lesquelles pesaient des soupçons étaient chambrées avec les trop curieux directeurs. Rien ne pressait. Aricy me fit de brèves confidences, puis en vint, je ne sais pourquoi, à me parler de Bidôme. C'est alors qu'elle prononça ces phrases d'une adorable franchise. « Ce sale petit mufle-là, c'était-il pas toujours sa plaisanterie de me demander si ce serait pas moi, Madame Robinet, qui aurais écrit un ouvrage intitulé « La maison rustique », ajoutant par sa raison que j'étais assez rustique pour ça. Écrire un livre, moi, j'ai été tout juste 4 mois à l'école quand j'étais petite. » J'ai guère jamais écrit que sur les murs des rues, et vous pensez bien que c'était pas Vive l'Empereur ou des cantiques. Ô riante, ô gracieuse enfance d'Aricy, je voudrais photographier l'un de ces murs. Enfin, elle ne se donne pas de gants. Durant cette période amoureuse, je n'emploie l'épithète qu'à contre-cœur, j'ai été privé des bons offices de Khmorhoun, qui villégiaturait dans tel pré fleuri d'escarpes et de cabots de mélodrames. Et sans Khmorhoun, je n'avais qu'une confiance limitée en mes moyens de séduction continue. Comme toutefois, mon organisme subissait encore quelque peu l'influence koukrienne, Arissi n'eut pas trop à se plaindre de moi. Réalisais-je l'idéal que je lui avais fait concevoir? Je l'ignore. Mais si elle fut déçue, elle ne s'en prit sans doute modestement qu'à elle-même, n'incriminant que l'inefficacité de ses charmes physiques, car elle ne souffla mot d'une désillusion possible et parut comblée de joie. Khmorhoun a suivi le cours de mes réflexions et me dit avec une généreuse délicatesse inhabituelle chez lui et certainement acquise dans la fréquentation de jeunes femmes noblement pitoyables aux fringales d'amour. « Tu sais, elle mérite une récompense, et ne me remercie pas de t'aider à la lui décerner. Ce que j'apprends me donne pour elle une vive sympathie, et je ne ferai qu'obéir à mes propres vœux en ne lui ménageant pas l'épreuve de notre reconnaissance. » Nous devenons tout à fait camarades, le Tkoukrien et moi, quand il veut bien ne manifester que des sentiments aussi louables. Nous voici donc bien d'accord. Nous allons nous acquitter aujourd'hui de ce que nous devons à une excellente femme dont la conduite fut au-dessus de toute louange. Après quoi, hélas, nous nous éloignerons d'elle, mais non pour jamais. Khmorhoun me promet qu'il la visitera souvent de ma part. De temps à autre même, il fera en sorte que mon corps astral vienne, en fantôme aimable et conscient de ses devoirs, présenter nuitamment à la méritante Arissi l'expression de ma considération très distinguée. Et Arissi, aujourd'hui, vient assez tôt et à un moment opportun, mes gardiens ayant, par bonheur, une soif d'enfer. Grâce à Khmorhoun, la chère femme est transportée au septième ciel, si bien qu'elle en pleure et balbutie « jamais, je n'ai été aimée comme ça !» Vers 8 heures du soir, nous envoyons Léonard, un peu réluctant, chercher un paquet de scaferlati à l'économa. Baillonnons et ligotons François avec une corde que nous lui volons dans la vaste poche de sa vareuse. Ce filin était destiné, selon toute apparence, à nous paralyser provisoirement en cas d'insubordination. La camisole de force ne se trouvant pas toujours à la portée de nos dompteurs. Notre violence est, par conséquent, de bonne guerre. Nous fourrons notre victime sous le lit après lui avoir encore dérobé son trousseau de clés. Je mets 200 francs dans son gilet. Pour vous et pour Léonard, vous partagerez. Nous revêtons en deux temps une pèlerine à double collet énorme. Nous nous coiffons d'un feutre cabossé. Me voici de tout point pareil au gardien patoulé, comme moi voûté, maigre, orné d'une indigente barbiche pointue et généralement mal fait de sa personne. Je fais jouer sans trop de bruit les serrures de mon huis, enfile le corridor, descend doucettement l'escalier, trouve, comme j'en étais sûr, la porte du jardin ouverte et me hâte vers l'allée qui conduit à la loge, à la route, à la terre libre. Le crépuscule est très sombre. Sans grande émotion, je croise Léonard qui revient de l'économa par un chemin aussi imprévu que brouillé avec la ligne droite. Et quand il m'interpelle, « Viens donc si, vieux carcan, que j'ai corps éteint ma cibiche et que je m'ai oublié de prendre des allumettes. » Je réponds avec un parfait sang-froid, « Des allumettes, j'en ai point pour ta goule, grand niant. » Il faut dire que, même à l'époque où je ne songeais guère à jouer les Casanova de Cabanno, j'ai fortement étudié le dialecte de mon sosie, dont l'élocution est facile à imiter, grâce à l'exagération même de son accent cauchois et de son nasillement. Je parlé le patoulé comme ma propre langue, et ma phrase a été particulièrement heureuse en ceci, qu'elle justifie encore une fois la réputation de surhumaine mufleurie acquise par le gardien contrefait. Léonard poursuit son chemin sans s'étonner, et je marche de plus en plus vite vers la sortie. Allons bon, la mère Grolon, la concierge, est sur sa porte. Bah, heureuse circonstance après tout. Pas de lumière à redouter, pas de maladresse à commettre en rabattant trop ou trop peu mon chapeau sur mon nez. Qui que c'est, monsieur Patoulé ? Me crie la sentinelle en juponné. J'ai bonne envie de point tirer la ficelle pour vous quitter passer. Vous revoilà notre fouet, parti à courir à c't heure. C'est-y corps la petite bonne à l'aignant qui vous travaille les sangs? Dites rien, marne Grolon, y a du bon cossi, cassis, chez l'aignant. Je vais vous en tracher un fond de corofon et une bonne cigare pour votre monsieur. Créjacova, s'exclame la femme au cordon. Et je suis sur la route, et ça a été si facile. Ce n'est que maintenant que j'ai peur. Je ne veux pas courir. Prendre le pas militaire, point trop accéléré, c'est ce qu'il y a de mieux. J'évite le village, et aussi le bois, où l'on me cherchera tout d'abord. Il y a un chemin peu fréquenté le soir, là-bas derrière le cimetière. Le sol en est, en toute saison, boueux et plein d'ornières profondes. Tant pis, il mène à l'autre route, à celle qui va sur Vercheville, où un train pour Paris passe à 10h15. Pas si bête que de monter en wagon à Ménilmont-Conduit. C'est plus près, mais la station sera surveillée. Il y a, pour des marcheurs ordinaires, 3 heures de bonne trotte de Vastaux à Vercheville. Mais j'ai un de ces compas. Personne ne me croira assez malin. On prononcera assez stupide pour courir si loin. J'arriverai à temps. Je n'ai qu'à allonger. Il fait de plus en plus noir. Tout s'annonce bien. Je me crotte légèrement depuis le cimetière, mais j'avance. Aïe, je n'avais jamais suivi la sente jusqu'au bout. À un coude, voici une maison éclairée. 2 maisons, 3 maisons. Des chiens hurlent. Je vais sortir du chemin, franchir cette haie, passer derrière ce bouquet de bois. Mais on m'a vu. Un homme porteur d'une lanterne me crie. « Et il marche de nuit ! Qu'est-ce que vous fichez sur la haie ?» J'enjambe, mais ne puis me débarrasser des ronces qui agrippent mon pantalon. L'homme est sur moi. Il lâche sa lanterne et m'empoigne par le fond de ma culotte sans craindre de se piquer. Grâce à Kmohoun, je serais plus fort que lui si j'étais sur mes pieds, mais ma position est fâcheuse. Accroché par le milieu du corps, on est mal planté pour la lutte. Et voici mon paysan qui appelle. « Oh, Zidore ! Oh, Bayache ! Venez-vous-en ! Y a un cré voleux à Canefourche sur la haie !» 10 secondes plus tard, je suis cueilli comme une noisette. Il n'y a plus de résistance possible. 3 paires d'étaux me broient les bras, les côtes et les tibias. Sans me rendre bien compte d'une transition, je me trouve en pleine lumière, étendu sur une table de cuisine, toujours solidement maintenue, et mordant de rage le bord de mon feutre qui m'est retombé sur la figure. « Ah, bé, elle est trop drôle, c't' histoire !» fait la voix du lanternier. « J'sommes pas à moitié couillon. J'avons-t-y pas été croché dans un gardin de Vosto? Chez-t-y point vous, monsieur Patouleil? Ah, pas moi. Chez ben lui. Chez ben toujours son capet et son amitoufle. Un gros roux, qu'on a appelé Bayache, m'enlève mon feutre en faisant danser toutes les dents de ma mâchoire. Cré enfant de fillasse, chez point loué. Qui que chez, lors? Je vais vous dire moi, prononce Zidore, long rustre osseux et velu comme un putois. Chez un cré de cochon de fou qui fout le camp de Vosto. On peut-y point la conduire chouer jusqu'à là-bas? Je serai peut-être pas ben le moment. Chercherai trop vite. Y aura plus de profit demain quand ils auront passé une mauvaise nuit à grétailler leur fou. Malgré ma triste situation, cette psychologie fantaisiste me donne une forte envie de rire. Je me figure la douleur de Le Lancier et celle de Barouge. Dites donc, Pupin, faudrait-il lui donner un petit de manger et à maquer? Oh, il maquera demain dans sa caloge. J't'ai trop de dépenses pour nous. On ne tient pas encore l'argent de la récompense. Oh, je sais plus comme du temps à froid. Les nouveaux, ils ont bien promis de payer les prises. N'attendant, on va le mûcher dans le raffut au futin. Fera jour demain. C'est bien comme Léonard me l'avait dit. Le directeur de fraîche date et son digne acolyte vont dresser les paysans à jouer le rôle de molosse cubain. Et ils arroseront leurs ailes. On me jette dans de la nuit fétide. Ma première sensation est une affreuse nausée. Heureusement, j'ai retrouvé dans ma poche de grandes allumettes bougies de contrebande achetées à l'économat de Vassetot. Chacune d'elles peut m'éclairer pendant près de 10 minutes. J'en allume une et je regarde. Le raffut au futin, où l'on m'a envoyé piquer une tête, est un appentis rempli d'ordures, de paille moisie, de débris de meubles, de vieilles casseroles crevées, de peaux de lapin, de chiffons mal fleurants. Je m'installe sur une pile de sacs vides, crasseux mais à peu près secs. La porte est solide. On voit qu'on l'a récemment réparée à neuf. Est-ce l'effet des promesses de Vassetot? Le toit est moins bon. Quelques traverses semblent pourries et, çà et là, j'aperçois les ardoises. Mais avant de songer à faire le moindre effort pour briser les barreaux de ma puante cage, il est bon que j'attende longtemps. Les natifs de la brousse vont se coucher de bonne heure. Mais les trois chasseurs d'hommes doivent être en gaieté ce soir. Bonne aubaine que cette capture de l'un des précieux sujets de la ménagerie voisine. Je parie bien qu'ils trinquent à ma santé, calculant que la prime palpable demain leur permet un petit extra. Ils n'en dormiront que mieux après. Patience. J'entends aussi les chiens renacler encore de temps à autre. Je n'ai qu'à leur donner le loisir de se calmer. Plus tard, quand ils seront à moitié assoupis, un bruit partant de la maison même ne leur paraîtra guère suspect tout d'abord. Et je pourrai sans doute gagner le large avant qu'ils soient sur mes talons. Je fume un certain nombre de cigarettes pour rendre l'air respirable. Bientôt, j'ai lieu de me féliciter de ma prudence. Des pas s'approchent de l'appentis. Une barre lumineuse souligne la porte. Prestement, j'éteins ma cigarette et me couche en chien de fusil sur mes sacs malpropres. La porte crie. Un jet de lumière m'atteint en pleine figure. J'ai la sensation que mes paupières toutes rouges, d'un rouge de coquillage, vont devenir diaphanes. La voix de Pupin, le patron, celui qui m'a dépisté, baritonne caverneusement. « L'étant dormé comme un lièvre dans son gîte !» ce qui me prouve que mon ennemi, le molosse humain, n'a pas des notions très exactes sur les mœurs des lièvres. Cela le réhabiliterait aux yeux des sportsmen conservateurs. On peut d'ailleurs condescendre à faire la chasse à l'homme et ne pas s'abaisser à braconner. Je retombe dans le noir. Des heures s'écoulent. Je fume toujours, nullement ensommeillé, mais abruti, sans avoir la force de penser. C'est tout au plus si des images confuses passent dans une brume. Irène, le père Froin, Bidôme, les deux nouveaux directeurs, François Ligoté, Paris que je vais peut-être, probablement revoir, puis un certain couloir, blanc et glacial, de Vasseteau, qui m'inspire tout à coup une terreur vague. Les chiens ne bronchent plus, le froid me saisit. J'allume encore une de mes petites bougies et regarde ma montre. 1h30. Kmohoun, qui ne s'était plus manifesté depuis notre sortie de la maison de santé, m'insinue. Il n'y aura pas de force à faire. Tu n'as qu'à déplacer 5 ou 6 ardoises, tout au bas du toit, à droite, dans la seule partie, justement, que tu aies regardé sans attention. J'enflamme une nouvelle allumette. En effet, de ce côté-là, tout le bois est pourri. Il faut que Pupin et consorts aient été bien préoccupés de l'état de leur porte pour ne l'avoir pas remarqué. Je me mets, ou nous nous mettons, à l'œuvre. L'opération est plus difficile que n'avait imaginé Kmohoun l'observateur. D'abord, impossible de nous éclairer. Nous n'avons que 2 bras, et je ne me vois pas, les mains occupées, tenant entre mes dents le bout d'une allumette bougie qu'il faudrait renouveler toutes les minutes au moins, en dépit de la longueur anormale de ces Victoria Matches, car dès que la flamme arriverait au milieu du petit bâton de cire, je devrais cracher mon luminaire sous peine de me brûler le nez. De plus, le bois des traverses est bien attaqué par l'humidité, mais non aussi spongieux que je me le figurais. Kmohoun électrise mon système nerveux de toute sa sauvage énergie, mais ce n'est qu'avec effort et petit morceau par petit morceau que je puis désagréger les solives et les poutrelles. De temps à autre, je regratte encore une allumette pour savoir où j'en suis et pour être bien sûr que rien ne va me tomber sur la tête. Je reprends ensuite ma besogne de termite. Il est prudent d'éviter le bruit autant que possible. J'y vais donc avec précaution et m'évertue certainement 2 bonnes heures avant d'avoir dégagé une 30 d'ardoises que j'enlève alors sans peine. Le clair de lune nimbe de bleu verdâtre les immondices du raffut. C'est maintenant que j'ai besoin de toute ma médiocre adresse. Je fais un rétablissement sur une traverse encore solide et me voici sur le toit qui craque moins que je ne craignais. Mais attention jusqu'au bout, pas de brusquerie dans les mouvements. Les chiens grognent. Je ne bouge plus de 10 minutes, peut-être. Puis je saute, aussi peu bruyant qu'un chat qui vient de piller un garde-manger. La peur me prête une stupéfiante agilité, des pieds de velours, de vraies pattes de maton. Je file sur la pointe de mes souliers et puis gagner du champ avant que les chiens se réveillent tout à fait. Oh, alors c'est un vacarme à épouvanter tous les diables. Les atroces bêtes bondissent à ma poursuite en hurlant. J'ai juste le temps de grimper à un arbre. Des volets battent, des portes grincent, des voix glapissent. Bientôt, voici la plus extraordinaire procession du monde qui, dans une vraie illumination de lanterne, accourt au pied de l'arbre autour duquel les chiens bondissent. On voit presque aussi clair que par un coucher de soleil rouge et fantastique. 5 ou 6 hommes tiarés de bonnets de coton, des enfants presque nus et semblables à des têtards, quelques sèches ou adipeuses guenons vêtus d'étoffes du genre sac à pommes de terre, gambadent et ululent. Parmi ces gracieuses apparitions, une grande femme aux chairs flasques et gélatineuses, aux interminables et minces jambes saumon pâle, aux derrières énormes et ballottant, grotesquement indécente, grâce à une chemise déchirée et trop courte, son seul voile, trépigne furibonde, puis gigote, comme si elle dansait un pilou-pilou océanien. Elle pleurniche et aboie. Où qu'il est le couchant qui veut nous violaille, où qu'il est que je le meurdrisse, qu'il essaye un peu de me forçaille, il va voir. Et continue ainsi jusqu'à perte d'haleine. L'un des hommes, je reconnais Zidore, paré d'un tricot de mitron et d'une culotte qui semble goudronnée, s'approche de mon perchoir, se gratte la tête, cligne de l'œil, et dit avec profondeur. « V'là ce que c'est, faudra une échelle !» Toute la troupe béotienne se précipite vers les maisons, et les idiots de chiens, contrairement à tous les usages canins, en pareilles circonstances, suivent leurs camarades humains en jappant, en sautillant comme des toutous de dames, en remuant la queue, en faisant les gentils, tout fiers de leur noble vigilance. Il n'y a pas à hésiter. J'ai au-dessous de moi, un peu à ma gauche, tout près, un toit réellement par trop déclive. Mais je n'ai pas le temps de m'inquiéter de sa pente. Je lâche ma branche, tombe sur une vraie glissoire, ne puis m'accrocher à rien, file comme un plomb, roule dans le vide, et me retrouve, pas trop assommé, sur un tas de paille. Je me relève, prends mes jambes à mon cou, et galope, galope à travers champs. Cette course folle me mène, sans que je sache comment, à Vercheville, où j'arrive au petit jour bleu. Encore malade d'émotion, je me cache dans un four à chaud à moitié démoli, tout près de la gare. Je me nettoie le mieux possible, me brossant avec des poignées de foin bien secs, qui, providentiellement, capitonnent en quelque sorte le four désaffecté. Mes habits sont à peine déchirés. Comment ai-je fait pour ne pas perdre mon chapeau? Je m'inspecte encore. Mon complet n'est pas trop effrayant à voir. La saleté y est assez régulièrement étalée, sans gros placard. J'aurai l'air d'un campagnard malpropre, mais normal. À 7 heures, je quitte mon abri et pénètre à tout hasard dans la station. J'ai tous les bonheurs. Le bureau est ouvert et un convoi pour Paris va passer à 7h30. Je demande une trouésienne avec un scrupuleux accent du cru. En première ou en seconde classe, on me remarquerait. Et, par un beau matin d'un bleu floral, je m'installe, oralement, aux trépidations d'une monstrueuse locomotive dont l'asthme furieux ébranle tout le train, sur une luxueuse banquette cirée comme un parquet, la tête bien calée à l'angle de 2 confortables parois de bois, peut-être adoucie par les crasses anciennes et les pommades variées. Je m'endors et ne me réveille que dans le hall de la gare Saint-Lazare.